pousser. Cargaison renversée, pièce montée stupide. Entre les lignes de partage et les sombres coups. Sous mes yeux, c'est le ciel. Moi couché, vous savez.